La cage sans oiseaux. Félix ne comprend pas qu'on tienne des oiseaux prisonniers dans une cage. De même, dit-il, que c'est un crime de cueillir une fleur, et personnellement, je ne veux la respirer que sur sa tige. De même, les oiseaux sont faits pour voler. Cependant, il achète une cage. Il l'accroche à sa fenêtre. Il y dépose un nid d'ouate, une soucoupe de graines, une tasse d'eau pure et renouvelable. Il y suspend une balançoire et une petite glace. Et comme on l'interroge avec surprise, « Je me félicite de ma générosité, dit-il, chaque fois que je regarde cette cage. Je pourrais y mettre un oiseau et je la laisse vide. Si je voulais, telle grive brune, tel bouvreuil pimpant qui sautille ou tel autre de nos petits oiseaux variés serait esclave. Mais grâce à moi, l'un d'eux au moins reste libre. C'est toujours ça. »